Chapitre 4e, deuxième jour. Un réveil sonna et fit basculer d'un monde dans l'autre. Christophe se leva prestement. Après son café et sa douche chaude, il se sentit tout à fait prêt à entamer sa journée. Il relut avant de partir la lettre de Marie, la seule qu'elle ne lui ait jamais écrite. C'était pour lui annoncer qu'elle pourrait passer un week-end avec lui à Nice. C'était il y a 2 mois, quand elle hésitait à quitter son mari. Christophe avait une folle envie de vivre avec elle pour le restant de ses jours, mais il n'était pas certain de pouvoir la rendre heureuse. Alors, il lui avait laissé prendre sa décision sans l'influencer, et elle avait choisi de rester avec son mari. Quel fou il avait été! Il avait en partie gâché sa vie, la seule qu'il avait, par timidité, par manque de confiance en lui, par bêtise. Il le regrettait amèrement, bien qu'il n'en ait jamais parlé à Marie. Aujourd'hui, il se contentait de la voir une fois par semaine quand son époux était absent pour ses affaires. Marie était le centre de son monde, mais un centre dont il était éloigné la plupart du temps. Non, il ne fallait pas y penser. Il fallait songer à la chance inespérée qu'il avait eue de la rencontrer et de se faire aimer d'elle. Il en avait été si surpris au début qu'il avait eu du mal à le croire, lui, Christophe, aimé par elle, Marie. C'est elle qui avait fait le pas décisif. Il avait fait une cour pressante pendant 1 mois, en multipliant les initiatives, les mots caressants, les tendres allusions et les lapsus érotiques longuement préparés. Il aurait sans doute moins insisté s'il avait pensé avoir une chance de la séduire. Et un jour, inoubliée, elle s'était levée de sa chaise, était allée vers lui et l'avait tendrement embrassé. À cette seconde précise, le monde avait changé de dimension. Il avait ressenti fortement une modification fondamentale de son existence. Des projets, des idées, des opinions sur tout s'étaient précipités dans son esprit. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui plaisait beaucoup plus que le modèle précédent. Il n'avait pas fait l'amour ce jour-là parce qu'elle ne pouvait pas. C'était tant mieux. Cette indisposition passagère avait multiplié ses souvenirs de première fois. Il se souvenait encore parfaitement de cette soirée blanche, comme il se rappelait du jour où il lui avait avoué timidement son amour. Il adorait revivre ses souvenirs. Il était presque en retard, Martin. Le serait vraisemblablement, mais c'était dans l'ordre des choses. Christophe arriva le premier. Christian, le barman, l'attendait. « Bonjour, monsieur l'inspecteur chargé de l'enquête. Honoré par votre présence dans mon modeste établissement. Prendrez-vous un café et 2 croissants comme avant ?»« Bonjour, Christian. Oui, comme d'habitude. Tout comme d'habitude. » Christian s'était rapproché pendant que le café passait dans la machine. Il parlait plus bas, sur un ton confidentiel. Content d'avoir enfin une affaire importante? Oui et non. Ah, explique. Ça m'ennuie qu'un assassin se promène en ville, vois-tu? Par contre, et ce n'est pas un détail, je suis content de m'en occuper avec Martin. J'ai comme l'impression que Martin ne s'occupe pas que de ce crime, mais qu'il a d'autres occupations. Christian servit le café et vint s'asseoir face à Christophe. Il n'y avait qu'un autre couple sur la terrasse. Détrompe-toi, hier, c'était la Yoli. Mais je le soupçonne d'avoir un remède pour se débarrasser de l'odeur. C'était en principe une nuit de repos pour lui. Il y a droit. Il se repose quand il en a envie, mais il n'en a pas souvent envie. Alors, où en êtes-vous? Questionna-t-il en chuchotant. Tu es bien curieux. Je ne peux pas te dire grand-chose. Tu as tort, je pourrais vous aider. On n'est jamais assez nombreux pour réfléchir. Il y a du vrai dans ce que tu dis, Christian. Cette femme avait apparemment une vie bien remplie. D'hommes? Oui. Qu'appelles-tu bien remplie, Christophe? 3 ou 4 amants réguliers et des sorties 2 ou 3 fois par semaine. Quand même, elle travaillait? Pas vraiment, semble-t-il, on ne sait pas encore. De temps en temps, elle gardait l'enfant d'une voisine. Je t'ai déjà dit que ton café était très bon. Je me doute bien que tu ne viens pas ici que pour mes beaux yeux. Tu l'as vu, cet enfant? Non, il est parti en vacances chez un oncle. Christophe finit ses croissants, ramassa minutieusement les miettes qu'il dispersa dans la soucoupe. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous avons interrogé les voisins. On va passer aux parents, relations, amis. Tout de suite, on va au rapport chez le patron. Oui, le boss doit suivre ça de près. J'imagine qu'il ne va pas vous lâcher pendant un moment. Tu veux encore du café? Christian se leva pour joindre le geste à la parole. Oui, une tasse supplémentaire me sera peut-être utile. Et puis, il est si bon. Tiens, voilà Martin. Bonjour la compagnie. En forme? Et toi? Moi, ça va. Je me suis levé à l'aube et j'ai la pêche. À l'aube? Tu es réglé sur quel méridien? « Sur le même que toi, banane. Il est nul, ce barman, hein ?»« Christophe, Comment fais-tu pour le supporter ? Ah oui, il fait du bon café. Qu'as-tu fait avant de venir ? Demanda prudemment Christophe. J'ai découvert dans le canard que je faisais équipe avec le génie qui a arrêté l'assassin il y a 4 ans. Et puis je me suis penché sur le rapport concernant cet ancien meurtre. Tu l'as lu ce matin ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Tu n'es pas réveillé ? Tu t'es couché tard ? Raconte. Je suis rentré chez moi. Le réveil a dû être surpris d'être réglé d'aussi bonne heure, Martin. Tu as dû le torturer pour qu'il sonne si tôt. Tu sais, on peut se faire réveiller par téléphone et choisir une voix de femme. Tout s'explique, dit Christophe, en se levant pour servir le café de Martin. Et alors, ce rapport ? J'ai l'impression d'en savoir plus sur le crime d'hier. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi au témoignage des voisins. Christian ne perdait pas une minute de la discussion des flics. Enfin, une affaire dont les journaux avaient fait leur une. Il avait le sentiment de participer à un feuilleton policier de la télévision, suivi par des millions de téléspectateurs, et d'être dans le casting. À contre-cœur, il partit servir les autres clients. Il faisait aussi beau que la veille. Christophe pensa à Marie synonyme de beau temps, de soleil et de ciel bleu. Dans ces moments-là, Martin le laissait rêver. Il pensait aussi à une femme, et cette femme était toujours différente. L'ange disparut quand Christian revint. « C'est une histoire de fesses ou une histoire d'argent ? Il n'y a que ça aujourd'hui qui intéresse les gens. Ils ne parlent que de fric et de cul du matin au soir. Tu as une vie passionnante, Christian. Ce n'est pas comme ce pauvre Christophe qui vit dans une planète peuplée par un extraterrestre du genre féminin. Martin, quel est ton avis sur l'affaire ? Questionna le barman. Je ne peux rien te dire. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est bien ma veine. Buvez votre café et fichez-moi le camp, ingrat. Il était 8h15. Ils rejoignirent le bureau d'excellente humeur. BG les attendait. « Alors, où en êtes-vous ? » Il se laissa tomber sur son siège qui résista. « Nous avons interrogé les voisins. Voici les procès-verbaux. » BG les posa sur le coin de son bureau. « Je les lirai plus tard. Vous avez une piste ? Des suspects ? Nous avons les coordonnées de 3 des amis intimes de la victime. Nous les verrons aujourd'hui. Vous pensez à un crime passionnel, c'est ça ? Elle avait une vie privée assez chargée, mais... « Il faut avancer vite, vous le savez. J'ai vu les photos de la victime, et c'est la première constatation du légiste. Elle n'a pas été violée. Mais le meurtrier s'est acharné sur elle pour être sûr qu'elle soit bien morte. Enfin, faut attendre tout de même le rapport d'autopsie, ce qui exclurait un crime de sadique. Cela voudrait dire que le tueur ne recommencera pas. Pourquoi ? Nous n'en savons rien, car Paul, on n'est jamais sûr de rien avec ce genre d'individu. Rien à ajouter, Lestage ? Je ne vous ai pas encore entendu. Car Paul parle pour nous deux, monsieur. Nous en saurons plus après l'audition de ses amis. Allez-y et foncez. À demain matin. » Christophe et Martin, rassurés, regagnèrent leur bureau. Ils avaient craint la réaction de BG. « Je pense que ce n'est pas le crime d'un sadique. Il a l'air soulagé. Qu'en penses-tu, Martin ? » ?»« Tu as raison, mais il pense surtout à ses vacances. » La rue Antonio Munoz Molina avait été récemment inaugurée près de l'église moderne à la limite sud de la ville où se développait une zone résidentielle. De somptueuses villas avaient été construites dans ce nouveau quartier. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Ça sent l'argent. C'est beau le fric. Tu vois, Christophe, il nous faudrait une belle maison comme celle-là pour recevoir de splendides jeunes femmes que nous éblouirions sans effort. Christophe avait un peu de mal à se repérer dans les nouvelles rues qu'il ne connaissait pas. Tu n'as pas besoin de ça, Martin. Je vais peut-être en avoir besoin bientôt, qui sait ? C'est quel numéro ? Le 6. Christophe gara sa voiture devant une coquette villa flambant neuve qui pour un peu sentait encore la peinture fraîche. Le chiffre 6 évoquait pour Christophe le mois de naissance de Marie. Il s'était promis de lire un livre sur les Gémeaux et ne l'avait pas encore fait. Une jolie femme blonde, grande et souriante, dans les 30 ans, bain ouvrir. Bonjour messieurs, vous avez rendez-vous ? Nous sommes de la police. Nous voulons voir monsieur Marchand, dit Martin, émoustillé par la dame en montrant sa carte de police. « Ah bon ? Entrez, messieurs, je vais vous annoncer. » Après les avoir rapidement observés, elle les introduisit dans une bibliothèque et disparut. Christophe se précipita vers les étagères garnies de livres, pendant que Martin, d'un regard inquisiteur, appréciait le mobilier anglais en testant la qualité de la banquette et des fauteuils. « J'adore le style anglais. » Denise Doulade en avait un du même genre, non ? Je trouve qu'il donne une classe folle à cette pièce. « Si j'ai de l'argent un jour, je me paierai une bibliothèque comme celle-ci et je te demanderai de choisir les livres. » « Il y en a de très beaux et de très intéressants ici. Beaucoup de peintres aussi. » Je crois que j'arriverais mieux à lire dans une pièce aussi classe. Dommage que je ne puisse pas essayer. Monsieur Marchand vous prie de patienter quelques instants, glissa la dame dans un large sourire, dévoilant une dentition parfaite. Un gros homme en costume bleu marine, relevé d'une jolie cravate rayée grenat, entra en marchant péniblement et en forçant bruyamment sa respiration sous l'effort. Il affichait ostensiblement son élégance, tout en cherchant à cacher sa rondeur. Un beau morceau, bien au-delà des 10 kilos. J'en suis mot malgré sa tenue haut de gamme et sa distinction d'homme aisé. « Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous ?» prononça-t-il comme dans un râle. « Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet d'une de vos amies. »« D'une de mes amies, disiez-vous ?»« Denise Doulade. » Marchand blêmit, fut pris d'une quinte de toux qu'il contrôla difficilement avant de se laisser tomber dans un fauteuil comme brisé, soudain incapable de supporter son poids. « Elle a des ennuis ?»« Elle a été assassinée, » annonça brutalement Christophe. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. »« Non, pas ça, pas ça !» cria-t-il en s'étranglant. Elle a été retrouvée morte chez elle hier matin. De grosses larmes roulèrent sur les joues rebondies de Marchand. Une grimace de douleur envahit son visage qu'il couvrit de ses mains, sa tête partie à la renverse. Quelques minutes passèrent émouvantes et éprouvantes pour les flics, et terribles pour Marchand effondré sur le fauteuil. Laissez-le, s'il vous plaît, il ne dira plus rien, affirma la jeune femme en entrant précipitamment dans la pièce. Vous écoutiez derrière la porte ? « Laissez-le maintenant. Repassez demain. Téléphonez avant, s'il vous plaît. Messieurs, allez-vous-en. » L'état de Marchand rendant impossible tout dialogue, Christophe et Martin s'en allèrent. Christophe le regretta aussitôt. « Nous aurions pu interroger la fille. C'est qui ?»« La nouvelle a drôlement secoué le gros. »« Je n'ai pas envisagé une telle réaction. J'ai été brutal sans le vouloir. Je le regrette. Nous repasserons demain ou nous le convoquerons. Sans elle. » Christophe n'était pas fier de lui. Si Marie était morte et qu'on lui annonce de cette façon, quelle horreur! Y penser lui était insupportable. Son soleil devait se lever tous les matins, sinon, comment vivre? Il n'avait pas imaginé une telle relation entre eux. Pourquoi? Parce que l'homme était gros, parce que la victime avait 4 amants. Avons-nous encore le temps de voir le suivant? Non, je ne crois pas. Nous avons perdu beaucoup de temps à trouver Marchand dans ce nouveau quartier. Nous avons juste le temps de repasser au bureau. Les derniers résultats du laboratoire doivent être disponibles. Il sera temps d'aller se taper une petite escalope milanaise. J'ai l'impression que les heures défilent plus vite depuis hier. Ok, allons-y. Je crois que la réaction des marchands est l'innocente. Exact, à moins que ce ne soit un acteur de premier plan. Selon les voisins, il apportait toujours un bouquet de fleurs à Denise et des paquets. Et il n'y avait pas de fleurs dans l'appartement le lendemain du drame. Il aurait pu venir sans fleurs pour ne pas se trahir ou repartir avec elle. Il a dû lui offrir les livres de peinture aussi. J'ai vu les mêmes chez lui. Venir sans fleurs voudrait dire qu'il venait avec l'intention de tuer. Je le crois incapable de préméditer un crime. À la limite qu'il tue, dans un moment de colère, un geste violent, mal contrôlé, mais froidement, assassin, je suis sûr que non. D'accord, Christophe. À ton avis, comment vont réagir les autres? Les autres seront au courant. Visiblement, Marchand n'avait pas lu le journal. J'en ai piqué un au commissariat. Il est dans la voiture. Il y a une photo de nous en première page, Martin. Oui, j'ai vu, et j'aime ça. C'est bon pour notre prestige, et avec les femmes. Tu as raison, pour le temps, il passe trop vite. Comme s'il voulait nous empêcher de boucler l'affaire dans la semaine. C'est peut-être nous qui sommes lents, pas lui qui est rapide. Il faut passer à la vitesse supérieure, alors. Avec l'article dans le journal, Christophe espérait un coup de téléphone de Marie. Il ne pouvait lui téléphoner. S'il en avait fait son deuil, il évitait de se poser des questions sur cet aspect de leur relation, questions qui le rendaient morose. Mais elle pouvait l'appeler quand elle voulait, quand elle pouvait, mais le faisait si peu. « Tu as rendez-vous ce soir, Martin ?»« Oui, avec Sylvie. »« C'est ta préférée, j'ai l'impression. Tu la vois souvent ?»« Démarre, Christophe. » Martin reprit le journal du matin. Il titrait sur toute la première page « Une jeune femme trouvée morte dans son appartement. » Suivait un encadré, les inspecteurs Carpole et les stages chargés de l'enquête sous les ordres du commissaire Giramont. À défaut de la photo de la victime, Christophe et Martin, assez à leur avantage d'ailleurs, occupaient un quart de page. « Ça sert d'avoir des amis dans la presse, hein, Martin? Ils ont choisi une belle photo, au moins, que disent-ils? J'ai eu le nez creux d'avoir mis mon blazer hier matin. Ils expliquent qu'ils ne savent rien, et ils laissent entendre que nous n'en savons pas plus qu'eux. » Martin se marrait. Christophe évitait une voiture qui lui avait refusé la priorité. « Le con » cria-t-il. « Nous savons quand même quelques petites choses. Nous savons à peu près comment elle a été tuée, à peu près à quelle heure, et nous avons une liste de suspects qui vient de perdre une unité. » Pas d'accord. Le gros homme semble hors du coup, mais il y a la jeune femme qui nous a reçus. La jeune femme, s'étonna Martin. Oui, elle tient peut-être à Marchand. Elle a pu vouloir le récupérer ou se venger. Quelle imagination, Christophe! Ce n'est pas impossible, mais c'est peu probable. Il aurait fallu qu'elle s'introduise chez la victime, avec une bonne raison et en courant le risque de se faire voir. Je fais confiance à l'esprit d'invention d'une femme jalouse. Dis donc, Christophe, je te rappelle que c'est moi le spécialiste des femmes. Toi, tu es l'intellectuel. Et accessoirement, le chauffeur. Fais attention! Le rapport du médecin légiste n'était pas disponible. Il y avait par contre les photos et une enveloppe contenant des papiers divers trouvés chez la victime. Il va falloir revérifier tout ça, Martin. Étudier les photos à tête reposée. Oui, fais voir. C'est du bon travail, qui ne nous apprend rien de plus que ce que nous avons déjà vu. Il faut les regarder tous les jours. Nous y trouverons peut-être quelque chose plus tard. Christophe épingla les photos sur un tableau, déposa l'enveloppe dans un tiroir de son bureau. J'espère que nous apprendrons des choses nouvelles avec les autres hommes. J'ai l'impression de piétiner. Je croyais que tu voulais prendre ton temps, Martin. Oui, mais en le dominant. Là, nous le perdons, c'est sans intérêt. Si nous allions déjeuner chez l'Italien. Martin resta fidèle à l'escalope milanaise. Christophe prit des raviolis maison. Après quelques bouchées, Martin retrouva son moral. Tu vas mieux, semble-t-il. Je suis réconcilié avec la vie, Christophe. Tu es sensible aux vraies valeurs. C'est pour ça que je t'aime bien, Martin. Une escalope milanaise à midi et un rendez-vous avec Sylvie ce soir. C'est simple, le bonheur. Certes, il y a ce criminel en liberté. Tu apprécies moins cette enquête parce que tu as le sentiment que nous n'avançons pas. Détrompe-toi. Nos cerveaux travaillent et rangent chaque pièce du puzzle. Christophe illustrait la reconstitution du puzzle avec les assiettes, les aromates, les verres. Il les range peut-être, mais n'importe où et n'importe comment. Rends-moi mon assiette, je n'ai pas terminé. Cet après-midi, je propose que nous allions voir Charles Quentin. Il habite rue Paul Auster. Ok, le café est en route. J'ai demandé le casier judiciaire des suspects. On ne sait jamais. La routine, quoi. Située en plein centre-ville, la rue Auster n'offrait aucune possibilité de stationnement. Christophe n'aimait pas garer sa Citroën n'importe où et prendre une amende de stationnement, infligée sans pitié par des aubergines pas attentives à son statut, pourtant bien en évidence sur le tableau de bord et surtout à cause de la procédure d'annulation devenue un vrai parcours du combattant. En ce début d'après-midi, il y avait du monde dans les rues. « Il n'y a que nous qui travaillons, Christophe. Je me demande pourquoi tous les gens que nous rencontrons ne travaillent pas. » Les magasins ne sont pas encore ouverts. Cela ne signifie pas que leurs propriétaires se roulent les pouces. Je ne les vois pas. Ils peuvent faire la sieste et pas seuls en plus, tu imagines? C'est à quel numéro? Le 3. Le jour d'anniversaire de Marie. Et ce matin le 6. 6 comme juin, le mois de sa naissance. Comment penser qu'il s'agissait de coïncidence? Elle ne voulait pas qu'il lui souhaite son anniversaire. Elle avait peur de vieillir. Pourtant, elle était si jeune et pleine de vie. Alors, il ne lui souhaitait pas. C'était un jour très dur pour lui. Il aurait voulu la connaître dès sa naissance. Ce devait être un mignon bébé et une délicieuse petite fille. Il n'avait jamais vu de photo d'elle de cette époque. Elle lui racontait souvent des épisodes de sa vie, de son enfance et de sa jeunesse. Il appréciait très peu l'histoire de ses flirts, et il avait passé un sale moment quand elle lui avait parlé de l'homme qui lui avait pris sa virginité. Ils étaient devant la porte de Quentin, un appartement au 4e étage sans ascenseur. Pas génial pour la digestion après l'Italien. Martin sonna et attendit, puis sonna de nouveau, frappa énergiquement. « Ce n'est pas vrai, il n'est pas là. Il est pourtant à la retraite. Que peut-il bien foutre ?»« Il fait peut-être la sieste chez une copine, » dit Martin en plaisantant. « Je vais le convoquer demain matin au commissariat. Rentrons au bureau, nous aurons sûrement du neuf. » Il redescendit rapidement. Il y avait de plus en plus de monde et de voitures dans les rues. Martin songea à cette enquête qui le décevait. Christophe pensait à Marie, plus précisément à sa façon de conduire. Elle conduisait bien et vite, un peu brutalement à son goût, mais il s'était surpris à l'imiter. Marie n'était pas parfaite. Elle était souvent de bonne humeur, voulait donner une bonne image à son amant, qui faisait le même effort de son côté, et jouait souvent de son charme. Il adorait ça. Cette attitude le faisait complètement craquer. En serait-il de même s'ils étaient mariés ou s'ils vivaient ensemble? Ce doute l'arrangeait. Il s'imaginait avoir un avantage sur le mari, cet homme qui remplissait l'ordinaire de son bel amour. Pourquoi ne vis-tu pas avec Sylvie? Tout à coup, tu me parles de Sylvie. parce que, comme d'habitude, tu pensais à Marie, n'est-ce pas ? Il faut que tu te concentres sur notre travail, sinon nous n'allons pas nous en sortir. C'est toi, l'inspecteur expérimenté, c'est toi qui dois prendre des initiatives. Tu as raison. Je te promets de le faire une fois que tu auras répondu à ma question. Ce n'est pas si simple. Que dire ? Nous tenons tous les deux à notre indépendance. Nous n'avons pas d'obligation l'un envers l'autre et nous ne voulons pas risquer de sombrer dans la routine des vieux couples. Ça te va comme réponse ? Hé, regarde où tu vas ! Non, ça ne me va pas. Mais je laisse tomber, du moins pour le moment. Je remettrai ça à un moment plus favorable. Ils prirent connaissance du rapport du médecin légiste et des casiers judiciaires des suspects. Le meurtre avait été commis entre 21h et 23h. La victime avait été violemment frappée par derrière sur le dessus du crâne. Le premier coup, asséné avec force, l'avait sans doute tué sur le coup, même si le tueur s'était ensuite acharné pour en être sûr. Elle devait le connaître, et il ne voulait pas prendre le moindre risque. Elle n'avait pas eu de rapport sexuel dans les heures précédant sa mort. Tout confirmait les premières constatations. Il n'y avait rien de nouveau de ce côté-là. Par contre, le casier judiciaire de Quentin n'était pas vierge. Au début, il avait passé des heures au téléphone avec Marie. Le téléphone était une maigre consolation. C'était une torture de l'entendre sans la voir. Il n'arrivait pas à l'imaginer en l'écoutant, sans doute parce qu'il était trop concentré sur ce qu'elle disait. La seule chose qu'il aimait vraiment, c'était son rire. Un rire à la fois sonore et sophistiqué, et surtout très sensuel. Il le mettait dans des états pas possibles. Il soupçonnait Marie de le savoir et de le faire exprès. « La mère du gamin est chez elle. Elle nous attend, en route. » Ils arrivèrent où avait eu lieu le crime. La porte de l'immeuble était ouverte. Ils grimpèrent tranquillement jusqu'au troisième étage, laissant s'en éveil comme des chasseurs à la traque. L'appartement exigu était meublé sans superflu. Ils s'installèrent sur un divan usagé. Madame Arnaud prit un fauteuil en face d'eux. Elle semblait sur la défensive, fatiguée, remuée par les événements de ces derniers jours. La quarantaine bien sonnée, châtain clair, quelques rides agressées ici ou là, un visage toujours beau, agréable à regarder, ce qui mit en éveil l'œil exercé de Martin. « Voulez-vous prendre quelque chose, messieurs ? Thé ou café ? Merci, je prendrai bien un café, » dit poliment Christophe. « Oui, volontiers, moi aussi, » ajouta Martin. Les deux hommes restèrent silencieux pendant l'absence de la femme. Christophe regardait les reproductions de paysages garnissant les murs, le buffet aux portes vitrées laissant paraître des bibelots bon marché et la petite télévision posée sur une table dans un coin de la pièce. Il y en avait-il une chez la victime ? Elle revint, trois tasses fumantes, du sucre et des gâteaux bien présentés sur un plateau argenté. « Servez-vous de biscuits, messieurs ?» Christophe ouvrit le feu d'un ton calme. « Nous voulions vous poser quelques questions complémentaires au sujet de Madame Doulade. Pauvre femme, elle était si gentille. Elle gardait votre enfant depuis longtemps ? Depuis un peu plus d'un an. Pourquoi le lui avez-vous confié ? C'est pratique, vous en conviendrez. Avant, je l'avais avec moi, je travaillais à mi-temps et j'arrivais à m'arranger. Maintenant, vous avez un plein temps. C'est un choix professionnel. Non ? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce crime ? C'est ma vie privée, je ne tiens pas à en parler. Martin prit le relais. Auriez-vous quelque chose à cacher, madame ? Les flics sentent ça, vous savez. Nous trouverons, ce sera moins facile pour nous, moins discret pour vous. Je n'ai rien à cacher. Je ne veux pas que mon enfant souffre encore plus, c'est tout. La mort de Madame Doulade est dure pour lui, dit-elle d'une voix brisée proche des sanglots. Christophe prit un biscuit, le trempa dans son café, imité par Martin. Cet intermède permit à la femme de se calmer. J'ai dû retravailler à plein temps quand mon mari m'a quitté, me laissant seul avec Thomas et de faibles ressources. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Il est parti pour une autre femme ? Questionna Christophe, compatissant. Je ne sais pas. Quelle importance ? Vous avez dû avoir des problèmes financiers ? Oui. Et ils ne sont pas terminés. Heureusement, Madame Doulade gardait Thomas gratuitement. Elle l'a gardé plus d'un an sans vous demander d'argent ? Oui. Elle m'en a même prêté, au pire moment, et j'ai remboursé. Vous la connaissiez depuis longtemps ? Non, pas vraiment. Par chance, je l'ai rencontrée quand mon mari est parti. Je pleurais, j'étais perdu. Je l'ai croisée dans l'escalier, et elle m'a gentiment demandé si elle pouvait faire quelque chose pour moi. Je n'avais pas de quoi payer mon loyer. Elle m'a dépanné, elle m'a remonté le moral et a proposé de m'aider. C'est une femme extraordinaire qui a été assassinée et j'espère que vous allez mettre la main sur le salaud qui a fait ça. Thomas et moi, nous l'aimions beaucoup. Tout ce que vous nous dites est important pour nous. Il faut que nous la connaissions le mieux possible. Sa femme de ménage nous a dit aussi qu'elle était très gentille. Comment allez-vous faire avec Thomas ? Je ne sais pas. Je vais peut-être le laisser plus longtemps chez mon frère, tant pis s'il rate un peu l'école. Quel âge a-t-il ? 8 ans. Il est en CE2. Ça devient sérieux. » Christophe ne savait plus quoi dire. Il regarda Martin de manière entendue, lui laissant la parole. « Merci de nous avoir reçus, madame. Si vous souhaitez nous faire part d'autres détails, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro, » dit-il en tendant ses coordonnées au commissariat. « Tout peut être important venant de vous, de votre petit garçon. Merci de lui demander s'il a vu quelque chose. » Ils se retirèrent en emportant son regard un mélange de tristesse, de désarroi et de terreur. Décidément, plus ils avançaient, plus la victime leur paraissait sympathique. Elle aidait sa voisine, elle gardait l'enfant gratuitement, et le gros homme l'aimait sans doute sincèrement. Et les trois autres, l'aimaient-ils autant? Non, pour au moins l'un d'entre eux. Le soir, Martin ira rejoindre Sylvie. Christophe rentrera chez lui. Il avait envisagé d'aller au cinéma, mais Marie téléphonera peut-être. Et il avait besoin de réfléchir calmement à cette affaire qui semblait s'engager dans une impasse.